je serai grand, quand je serai grand, je serai le vent pour changer le temps. Quand je serai grand, quand je serai grand, je serai la pluie pour nourrir la vie. Les années survolent le sillon du temps, mes rêves s'envolent dans le firmament. Coule dans mes veines un amour si grand pour te dire je t'aime au présent. Quand je serai grand, quand je serai grand, je serai la lune pour vêtir fortune. Quand je serai grand, quand je serai grand, je serai soleil pour compter merveilles. Les années survolent le sillon du temps, mes rêves s'envolent dans le firmament. Coule dans mes veines un amour si grand pour te dire je t'aime au présent. Quand je serai grand, quand je serai grand, je serai la terre pour porter mes frères. Quand je serai grand, quand je serai grand, je serai la mer pour noyer l'enfer. Les années survolent le sillon du temps, mes rêves s'envolent dans le firmament. Coule dans mes veines un amour si grand pour te dire je t'aime au présent. Quand je serai grand, quand je serai grand, je serai le vent quand je serai grand.